qui partage ses bénéfices avec vous. La première. Il est 16h. Votre journal, Nicolas Lehmann, bonjour. Bonjour à tous. Nous reprendrons le contrôle du site de Caterpillar. C'est une promesse a lancé ce matin Paul Magnette devant les commissions économie et emploi du Parlement wallon. Le ministre-président wallon qui a aussi appelé à une nouvelle politique industrielle en Europe. Paul Magnette est aussi bourgmestre de Charleroi. Il doit rencontrer cet après-midi les sous-traitants de Caterpillar. Les sous-traitants qui vont eux aussi lourdement payer la fermeture du site de Gosselies. De Caterpillar, on en a aussi parlé ce matin au Parlement fédéral. Les députés se sont montrés scandalisés par l'absence de la direction à la Chambre. Seuls les syndicats ont en effet répondu à l'invitation des commissions affaires sociales et économie. La direction a expliqué qu'elle ne faisait que respecter la procédure Renault. Une nouvelle invitation lui sera envoyée pour jeudi. Cette procédure Renault qui règle les licenciements collectifs est seulement en train de commencer. Les démarches pourraient prendre encore de longues semaines. Sur cette procédure, on écoute Eliane Tillieu, c'est la ministre wallonne de l'Emploi. La procédure Renault, c'est une phase d'information et de négociation en quelque sorte entre les organisations syndicales et les représentants de la direction de Caterpillar. L'idée est d'essayer d'éviter ce licenciement collectif, si c'est encore possible, ou de le réduire. Une phase qui peut être différente selon les entreprises, mais en moyenne, c'est un peu plus de 70 jours. Une fois cette phase terminée, il y aura une notification pour confirmer, le cas échéant, le licenciement collectif et nous entrons dans un deuxième délai de 30 jours dans lequel un plan social doit être négocié pour confirmer les conditions dans lesquelles les travailleurs devront quitter l'entreprise, les questions éventuelles de prépension. 30 jours plus tard, les organisations syndicales pourront solliciter la création d'une cellule de reconversion et c'est là que s'entame tout le travail avec le Forum pour permettre aux travailleurs d'être accompagnés dans leur parcours. La ministre wallonne de l'Emploi, Eliane Tillieu, au micro de Rudy Hermans. 20 000 tonnes, c'est la quantité de déchets qui sont jetés chaque année en mer du Nord, des déchets marins qui menacent l'équilibre écologique. Le secrétaire d'État à la mer du Nord, l'OpenVLD, Philippe de Backer, veut lancer un vaste plan d'action contre le plastique en mer. Il l'a annoncé cet après-midi lors d'une conférence de presse au Parlement européen. Les pêcheurs seraient sensibilisés, tous les utilisateurs de la mer du Nord seraient mis à contribution. Cela dit, les contours du plan n'ont pas encore été précisés. L'actualité sportive, c'était dans l'air depuis un bout de temps. Le Standard l'a annoncé ce matin, le club se sépare de son entraîneur Yannick Ferreira. Ses résultats n'étaient pas jugés satisfaisants. Il a été remplacé par l'ex-entraîneur de Malines, Aleksandar Jankovic. Après le non-match face à l'Espagne, les Diables Rouges doivent une revanche à leurs supporters ce soir. C'est le début des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Le chemin qui doit les emmener en Russie en 2018 passe donc par Chypre ce soir. Des Diables qui n'ont pas encore oublié leur élimination décevante à l'Euro. On écoute le capitaine Eden Hazard. La défaite à l'Euro, elle a fait mal. Je pense qu'on espérait aller plus loin. C'est pas facile de se remobiliser, d'être prêt pour les rencontres après. Mais voilà, après, on est tombé contre une grosse équipe d'Espagne. Je parlais un peu avec les Espagnols à la fin du match. Ils me disaient que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué comme ça. Donc voilà, ça prouve qu'ils étaient vraiment au top. Et contre des équipes comme ça, si nous, on n'est pas tous à 100%, tous concentrés, bah, ça devient compliqué. Et c'est ce qui a été le cas. Donc voilà, on a essayé d'oublier ce match. On a essayé de travailler pendant les quelques jours qu'on a, parce que c'est pas très long. Eden Hazard, le capitaine des Diables, au micro de Manu Jousse. Le coup d'envoi de Chypre-Belgique, c'est ce soir à 20h45. Et c'est avec la RTBF. Toute l'info est sur rtbf.be. Vous écoutez La Première, c'est presque sérieux avec Walid et toute son équipe. Merci Nicolas, on vous retrouve tout à l'heure à 16h30. Comme vous l'avez dit, nous sommes presque sérieux en ce mardi. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Walid, sur La Première, c'est presque sérieux. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous avez lu une actualité en rapport avec la corruption et ça touche notre beau pays? Tous les jours. Il est question de fonctionnaires. On en a trouvé un qui n'était pas corrompu. Et bienvenue pour cette visite inaugurale du nouveau musée fédéral du travail et de la santé. Car le travail, c'est la santé. Ce musée a été intégralement financé par les bonnes œuvres du nouveau gouvernement de Bloc Franken-Baclen. Espérons que Daniel Baclen tienne jusque-là. C'est pas dit. La démographie a pris un sérieux coup dans l'aile. Plus d'enfants, plus de jeunes, et faut-il le rappeler, de moins en moins de femmes. Car beaucoup de celles-ci, lasses de se cogner sans cesse dans le plafond de verre des inégalités, ont voulu s'échapper de leurs dures conditions en changeant de sexe. Dans la salle suivante, vous aurez d'ailleurs le loisir d'observer un spécimen de femelle belge parfaitement conservé en bain de formol, un Loretta Yankelis, qui nous a été aimablement prêté par le ministère fédéral des Antiquités. Il y a les sorcières, le sabbat des sorcières, ah oui. Vodek. Hein. Ben moi, j'étais les macrales. Je fais partie de la confrérie des... Ah, j'ai reçu un balai... Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Invalide que je suis. Donc vous avez une bonne nouvelle, madame, on vous écoute. Eh bien, j'aimerais bien que certaines de ma famille me foutent la paix et qu'il y ait un peu une meilleure entente un peu partout dans le monde. Dans le même esprit, une autre bonne nouvelle qui remet un peu les pendules à leur place, comme disait Johnny Hallyday. En Allemagne, la femme qui aura fait un enfant avec un autre homme que son mari devra dénoncer l'identité du vrai père au mari. C'est une blague ? Non, il est vrai. Non, j'ai c'est absolument vrai. Le parquet qui demande le renvoi de Sarkozy en correctionnel, c'est l'info que vous allez retitrer pour nous, Edgar Schott. Casse-toi, pauvre con. Pour inonder les réseaux sociaux des vannes que je ne suis pas prêt à assumer en mon nom propre. Et Albert Frère d'Ardennes, ça m'a l'air pas mal du tout. En plus, c'est un très bon résumé de la situation socio-économique de la Wallonie. Bonjour Aveline. Bonjour Walid. Vous allez bien ? Non, j'ai une laryngite. Ah. Marine Le Pen avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique pour un budget total de 41 millions d'euros. La présidente du groupe État islamique se compare à Donald Trump depuis hier. Dans ma deux as de cette séance de fléchettes, premier tir et premier titre, Charleroi, deux points, le colis suspect à Montigny-sur-Sambre contenait un pigeon. La première. Oui. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Bonne nouvelle, un Belge a trouvé un emploi. Et oui, wow. Il s'appelle Stoffel Van Dorn. Il occupera un baquet de F1 chez McLaren en 2017. Alors ravi, Peter Timmermans, le patron de la FEB, a tweeté en Belgique. Eh bien, maintenant, quelqu'un a un job, enfin. Moi, je suis très humour FEB. Hein, oui, il a mis enfin... Enfin, c'est gros déconneur. En F1. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fait un jeu de mots aussi. Mmh. Hashtag LOL, hashtag jeu de mots, hashtag Bruno Coppens. Effectivement, casque sur la tête, eux, ils n'ont pas besoin de tour de chauffe pour se disputer le Grand Prix du rire. Leurs plumes virevoltent sur le papier comme une F1 sur un circuit. Ce sont vos chroniqueurs du jour qui vont se dépasser pour assurer le spectacle. Il s'amuse, lui, à faire des dérapages verbaux très contrôlés sous un déluge de jeux de mots. Avec lui, c'est toujours la fête du slick. C'est Mickaël Albas. Bonjour. Bonjour Walid, bonjour à tous. Ouais. Vous savez ce que c'est que le slick, hein, quand même. Oui, c'est les pneus sans, plat, sans... pour le sol sec en F1. Voilà. Sans mouiller les slicks. C'est ça, éviter de mouiller le slick. Ferrari avec l'actu, pour lui, c'est une course sans frein. C'est Paul Mosseret qui est avec nous. Bonjour. Salut, Walid. Même si elle est par essence raffinée, méfiez-vous, sous son châssis cariné comme un dragster, elle a un costaud. Tigre dans son moteur. C'est Karting Ronvo. Bonjour. Vous allez bien ? Tiens, il est tellement nul en sport moteur que quand il entend parler d'arrêt au stand, il se dit que ça fait quand même une trotte hein, entre stand et Spa-Francorchamps. C'est Vincent Flibustier. Ouais, c'est vrai ça. Ah, oui. Il est avec nous, Vincent Flibustier. Bien, lui aussi, en quelque sorte, il pilote une monoplace. C'est notre Twizy Rider à nous, profil très apérodynamique. C'est Raoul Reyers. Bonjour. Mais comme vous écrivez bien, écoutez, l'image est parfaite. Effectivement, vous êtes très apérodynamique. C'est oui, beau ça. Chips. Oui, c'est bien, c'est bien. Rapide du coup. Et puis tiens, en parlant de baquet, on en a une chez nous qui pilote cette émission, c'est Carole de son prénom qui a préparé cette émission pour vos petites oreilles. Et puis c'est un peu grâce à lui, si on reste sur les pistes, notre réalisateur Grégory Carrette. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font. C'est avec vous que nous en rions. Merci donc à vous d'être presque sérieux. C'est presque sérieux. C'est la première. Il y a, à 17h, le morceau... En tout cas, une partie d'un morceau qui va être sympathique. Ah oui, non, mais c'est... voilà. Ça va rester. Bah, un morceau de quoi derrière les fagots. Alors, un morceau de quoi? Charles de Gaulle. Ah, Charles de Gaulle. Un morceau de Charles de Gaulle. La Gaulle de. Non, mais il y a voilà, Charles de Gaulle, François Fillon, tout ça, vous allez voir. Là, non, rendez-vous tout à l'heure à 17h. En tout cas, ce qui vous attend durant cette heure et demie, ce sont bien les 350 ans de Charleroi. On en parlera avec Paul Mosseret. On parlera également du repreneur de Caterpillar avec Catherine Renvaux et les Jeux paralympiques qui commencent demain. Ce sera au menu avec Michael Elbaz. Je vous invite également à venir jouer avec nous. L'actualité sous toutes ces formes, c'est notamment avec le qui a dit, qui aurait pu dire, ils sont en solde. Qui aurait pu prononcer cette phrase? Eh bien, des propositions vous seront faites. En tout cas, l'un ou l'une d'entre vous, seule condition à remplir, vous inscrire en envoyant donc ces trois lettres. CPS au 6031 CPS au 6031 75 centimes le message avec nom, prénom et adresse. Vous repartirez avec un très très très très très très très très très très très très beau cadeau. Time's Up Party. C'est Time's Up, sauf qu'à la place du sablier, eh bien, vous avez un buzzer et ça change tout. Donc on vous offre ce magnifique jeu. Vous allez voir, vous allez passer de très chouettes moments. On vous offre également ce jeu sur la page Facebook de l'émission. Trois jeux à gagner sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux. Donc allez-y, faites-vous plaisir, vous inscrivez. Carole Baquet vous reçoit. C'est Sama Soupe, elle vous rappellera certainement si vous êtes tiré au sort et vous viendrez passer un bon moment en notre compagnie. Ils sont en solde. À vous de jouer. Et c'est à vous de jouer autour de la table. Et à vous également qui nous écoutez. Voici la une du jour. C'est la une. Deux extraits musicaux, deux actualités que nous recherchons. Écoutez attentivement. Assurance, j'ai de l'assurance. Comme facile. Quand je me sers de ma tête, tout ce que j'ai en bas du ventre. Ces hommes flippent car leur vie, ça n'oublie qu'une chose. Arrêtez d'être le plus beau, le plus drôle. J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué, le Pentium sans calcium. J'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur. Le clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lente. Alors wow. Premier extrait, Roméo Elvis et le motel Assurance. C'est qui c'est? Roméo Elvis, bien sûr. Oui, vous savez. Bien sûr. Oui, le fils de. De Juliette Presley. De Marca. C'est pas vrai? Mais oui, évidemment. Le fils de Marca? Oui. Roméo Elvis. Ouais. Et Angèle aussi, la fille de Marca qui, elle n'est pas là, mais elle fait aussi de la musique. Elle bah écoutez, voilà une famille de talents. Roméo Elvis et le motel Assurance. Bah forcément, vous savez de quoi il s'agit. C'est AXA. C'est AXA, effectivement. Oui. Nouveau drame social chez AXA. D'autres compagnies d'assurance pourraient être en danger, en tout cas, si AXA agit de la sorte, en disant que tout va bien, mais on fait quand même des économies parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, une restructuration qui est un nouveau choc sur le plan social. D'autres compagnies d'assurance pourraient peut-être faire de même à l'avenir. Trois jours après Caterpillar, 650 postes pourraient donc y être supprimés dans les deux ans. Comme dans le secteur bancaire, ces activités administratives se sont considérablement transformées, elles se sont automatisées. Donc, y a des personnes dont on n'a plus besoin. Plus besoin de monde, des robots. Donc, avec la faiblesse des taux d'intérêt, également, les banques sont peut-être amenées un jour ou l'autre à faire la même chose et à réduire leur personnel. Les assureurs rencontrent aujourd'hui aussi les mêmes problèmes que les banques. Aucun employé d'une compagnie d'assurance n'est donc à l'abri. Tiens, le nom AXA, qu'est-ce que ça veut dire en japonais? Alors, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Oui, mais ça veut dire, je vous promets, ça a une signification. Couteau à huître. Non, pas couteau à huître. AXA en japonais. C'est une signification qui tombe bien. Oui. On dégraisse. Je te tends la main. Non. Suicide. Ah, on n'est pas très loin. Chômage. On n'est pas très loin. Dépression. Combustion spontanée. Explosion. Tout ça extermination. Hiroshima. Non, c'était pas ça. AXA. Traîtrise. AXA, qui a été choisi officiellement comme nom donc, pour cette entreprise en juillet 1985. Wow. Que signifie ce nom, AXA? Et est-ce qu'ils ont choisi le nom parce que ça veut dire un truc en japonais? Oui, alors non, pas pour ça. Il a l'avantage, en tout cas, de ne poser aucun problème de traduction. Sauf au Japon. Sauf au Japon, ça signifie quelque chose. Fantôme. Ah, d'accord. Impuissance. Ça veut dire la mort. Non, ouais. Arrêtez, Catherine. Ça veut dire quoi? La mort. Effectivement, c'est ah ça. Bon, mort. Ça veut dire la mort. Et pour y remédier, AXA, il reste écrit, en tout cas au Japon, à l'occidental, donc AXA. Et voilà. Ça veut dire la mort, AXA. C'est bien pour une entreprise d'assurance. Hein. Prenez une assurance vie, ou ça? Bah, à la mort. Ah, bah voilà. Bon, deuxième info, deuxième actualité. Une chanson très sympathique, chanson plus bifluorée, l'informatique. J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué, le Pentium. Une reprise de Gaston, bien sûr. Problème de. Gaston. Dans l'enseignement. Enseignement. Enseignement, oui. Le parallèle entre la Flandre et la Wallonie. Effectivement, on est à la traîne. On est à la traîne. L'enseignement wallon, beaucoup moins numérique. En Flandre, les établissements scolaires wallons souffrent d'un gros retard par rapport à la Flandre en matière de numérique, c'est ce qui ressort d'une enquête. Alors que trois quarts des écoles flamandes disposent de 25 ordinateurs pour 100 élèves, ah, c'est bien, ouais. Hein, leurs homologues, ouais. Eux wallons, ne comptent que 8,5 appareils par 100 écoliers. Ils ne savent pas s'en servir, eux. Mais les petits wallons savent aussi chasser. Windows 95. Et donc l'enseignement néerlandophone possède également un avantage en termes de compétences humaines, puisque 97% des écoles y emploient un coordinateur ICT. Est-ce que c'est que l'ICT, hein, c'est, évidemment. C'est quoi? Comme ça, c'est difficile à dire. Quand les écoles auront l'électricité, ça ira mieux. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, un des points positifs de cette étude est l'enthousiasme des enseignants par rapport aux nouvelles technologies. Donc, on ose espérer un jour qu'on investira, alors qu'on enlève beaucoup d'argent dans les écoles aujourd'hui. Il ne faut même pas imaginer un jour qu'on ait ne fût-ce qu'un petit ordinateur portable. Tant qu'on parle des cours de religion, on ne doit pas acheter d'ordinateur. Pourquoi ? Ben parce qu'on parle de la religion, donc on ne s'inquiète pas de l'informatique. C'est fini, vous n'avez pas lu ces petits mots que tous les parents sont en train de recevoir maintenant, on invite les parents à faire quoi ? Chacun prêche pour sa paroisse, oui, c'est ça. On leur dit, de préférence, ne choisissez pas un cours de religion. ça vaut mieux pour l'avenir de votre enfant. Je veux dire, faites en sorte qu'il ne croit plus en Dieu. Faites en sorte qu'il n'écoute pas et Dieu dans tout ça sur la première. Faites en sorte que... Voilà, bref, l'actualité du jour, elle a été remise en chanson et on continuera juste à la fredonner avec notre cher Paul Mosseret dans la suite. Et en attendant et avant de vous écouter, mon cher Paul Mosseret, on va vous inviter, vous qui nous écoutez un peu partout en Belgique et même partout dans le monde. Sauf que partout dans le monde, oui. Ça vous coûtera peut-être un peu cher, mais en tout cas, si vous êtes en Belgique, c'est le moment, c'est l'instant, vous envoyez ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous viendrez dans un gros quart d'heure maintenant, juste après les infos de 16h30. Eh bien, jouez avec nous au qui a dit. Et le qui a dit du jour, le voici, ils sont en solde. À la clé pour l'un ou l'une d'entre vous, Time's Up, parti. Et c'est parti pour Paul Mosseret. On va parler de Charleroi et son anniversaire, 350 ans, s'il vous plaît. Charleroi mérite vraiment une prospérité formidable, car les gens de Charleroi sont formidables. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oui, bonjour, je suis bien aux urgences ? Oui, je vous écoute. Alors, j'aimerais qu'on m'emmène d'urgence dans un Proximus Center. J'ai vu un Samsung Galaxy J5 pour 9 euros. Vous êtes aux urgences ici, madame ? Ben justement, c'est une urgence. Foncez dans votre Proximus Center et recevez un Samsung Galaxy J5 pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions dans votre Proximus Center. Proximus, infiniment proche. Chérie, combien de temps avant 22h ? 8 secondes, t'es prête ? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti ! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat ? Je sais plus. Arrête-moi ça ! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Ne cherchez plus les meilleures affaires. Ce sont les Container Deals de Mediamart. Sous les projecteurs, une centrale vapeur Philips pour 149 euros seulement. Soit 110 euros de moins. Dès demain dans tous nos magasins et sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi ? Elle ira plus vite. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez jusqu'à 230 euros sur l'avenir.net/rentrée. Retrouvez la vie économique sur la première, chaque jour du lundi au samedi. L'économie nationale, internationale et la bourse, décryptée par les spécialistes. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales. La première. Mobile Info. À 16h presque 19, on retrouve Pierre Collard-Bovis. Pierre, vous êtes avec nous ? Oui, bien sûr. Alors, interdiction pour vous de prononcer le mot embouteillage. D'accord. C'est parti. On va essayer. Bien. La circulation est ralentie dans quelques tunnels de la capitale. Un accident survenu sur le ring de Bruxelles en extérieur, à hauteur de Heusingen. C'est la bande de gauche qui est encombrée. La circulation est évidemment ralentie. Sur le ring de Bruxelles, plus 12 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 9 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem, plus 9 minutes également pour l'intérieur Zaventem Carrefour Lonnard. Ça reste raisonnable pour le moment. Un véhicule est en feu, enfin il était en feu il y a une petite demi-heure sur la 54 Nivelles Charleroi à hauteur de la sortie Petit Reux. Les bandes de droite et d'arrêt d'urgence sont neutralisées. Il y a des ralentissements en direction de Charleroi. Un gros dégagement de fumée évidemment, à moins que le véhicule ne soit éteint maintenant. Un camion est en panne toujours sur la N4 Namur Arlon à hauteur de Champlon. La bande de droite est neutralisée en direction d'Arlon. Soyez prudents. Le chantier de Charade sur le 40, Aix-la-Chapelle, le Bruxelles, vers Bruxelles, vous êtes ralenti sur plus ou moins 3 km. Et vers l'Allemagne, entre Votem et Charade, vous perdez là maintenant 45 minutes. Quant au poste frontière, eh bien, vous êtes ralenti sur le 17 Gand-Lille, poste frontière vers la France, bien sûr. Il y a des files à partir d'Albec et vous perdez une petite dizaine de minutes. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Rendez-vous tout à l'heure avec Pierre Collard-Bovis pour vos prochaines inforoutes et on va proposer tout à l'heure à Pierre de ne pas prononcer le mot kilomètre et carrefour. Oui, parce que déjà sans embouteillage, c'est beaucoup mieux. Bah, c'est plus facile, mais c'est kilomètre et carrefour, ça va être difficile, ça va être difficile, Pierre, ça sera si tout à l'heure. Pierre, si tu nous entends, prépare-toi. Faites-vous remplacer. Alors, en attendant, on s'intéresse à cette actualité, l'actualité du moment, c'est Charleroi. Oui, du char noir. Charleroi, Charles King City s'est offert un lifting pour ses 350 ans, Paul Mosseret. Oui, et dimanche matin, sur le bord d'Elsambre, tout perdu dans le fumée, j'ai vu Charleroi se réveiller comme moi, avec une belle gueule de bois. Et d'un chic Charleroi STCB vermeil, rien que d'y pincer, synthé comme un cœur bas. On a fêté, pour ne pas pleurer, un anniversaire un peu amer au milieu des grues et des pierres, des fûts et des bières. 350 ans, on l'avait bien mérité notre lifting, hein, parce que franchement, on commençait à avoir des poches sous les yeux, les seins qui tombent et le ventre flasque. D'ailleurs, selon moi, c'est pas par hasard qu'ils ont fait venir chanter Chantal Goya pour l'occasion. Ah, tout un symbole, hein, Chantal, c'est le symbole de la vieille dame qui peut encore avoir la cote. Oui, oui, Chantal, elle, elle a eu la sagesse de ne pas s'attaquer au marché américain. Elle a eu la patience d'attendre son heure et quand tout le monde l'a abandonnée, eh bien Chantal, elle a enfilé son costume de lapin et elle est allée chanter dans les boîtes gays et ça, ça force le respect. Prenons-en de la graine et puis ce serait peut-être pas mal, hein, Paul Magnette avec deux petites oreilles de lapin. Non mais ce que j'espère plutôt pour Charleroi comme comeback, c'est plutôt à la Céline Dion, vous voyez. Je crois qu'il faut voir le départ de Caterpillar comme le décès de René Angélis, comme une opportunité unique de relancer la machine. Céline, elle a toujours été de l'avant, sans regarder en arrière. Après le décès de son mari manager, elle déclarait déjà « Asti, je pense pas que le décès de mon René doit faire tout capoter, là. Show must go on, je m'en vais retourner sur les scènes, faire vibrer mes fans du monde entier, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et j'ai envie de lui répondre « Mais oui, Céline, t'as raison, crise de colis. C'est ça qu'il faut faire avec Charleroi. Mettons un pantalon de cuir à Paul Magnette, puis montre qu'on n'est pas dépendant de ces maudits financiers qui nous disent quoi faire. C'est nous qu'on vit dans cette ville-là, c'est nous qu'on décide ce qu'on en fait. Tabernacle, sti, j'adore faire l'accent québécois. Non, c'est vrai. C'est un peu le même que Charles. Ouais, c'est pour ça que je ne maîtrise pas trop. Mais votre mal. Accent au début, je me suis dit, ah, on est au Québec. J'ai compris maintenant. Ah, c'est bien. Où allons-nous? Non, mais c'est vrai. Céline, elle a tout compris. Hein. D'ailleurs, elle a été meilleure que nous pour attirer les Américains. Céline, elle n'a jamais douté, elle n'a jamais bradé un concert et elle remplit le César Palace tous les jours à 100$ la place. Nous, à côté, on a l'air de quoi? On fait tellement dans notre froc à l'idée de les perdre qu'on brade nos ouvriers comme du bétail. Et Dieu sait qu'ils aiment ça, le bétail, ces bouffeurs de burgers. Alors pas étonnant qu'ils finissent par nous manger tout cru. Oh, et puis non. Non, non, on n'a pas besoin de se la jouer à l'américaine. Non, on n'a rien de moins que les Américains. On aurait même plus en comptant qu'on est moins, comme disait Stella. Eux, ils ont un Barack Obama. À Charlie King, nous, on a des milliers de Baracky Obama. Ils ont peut-être la Silicon Valley et nous, on a la vallée de la Sambre. Ils ont le Grand Canyon et nous, on a la petite gaïole. Ils ont des fast-food, nous, on sait jouer au foot. Là où on a des corons, eux, ils ont des corps ronds. Ils ont Jay-Z, on a Jean Jass, ils ont le Mont Gilmore, on a Dirty Monitor, ils ont les Jackson Brothers, nous on a William Dunker. Ils ont inventé les Hobbits et nous Robert Lafritte. Nous on est nés poumons noirs, eux ils ont Caterpillar, et ben qu'ils le gardent. Nous on sait que notre ville, elle a un argument, et c'est la force de ses habitants. Les Carolos ont la peau dure, le cuir tanné, car après toutes ces années de magouille, on peut dire que le Carolo a de sacrés... Ouais. Force de caractère, à force d'être associé à la misère. Ils ont sué haut et sang pour un capital qu'on leur a pris, et malgré les scandales et les moqueries, le Carolo est fier de son pays. Un pays noir comme le charbon, mais lumineux comme le verre. Aujourd'hui en deuil, demain en fête, tantôt scandale, tantôt miracle, tantôt docile, tantôt pirate. Une ville à mille facettes comme une boule disco qui, ce week-end, a pour la première fois illuminé la piste du Quai 10, centre dédié à la culture de l'image. C'est le Paris culturel d'une ville qui se révèle et qui, j'en suis certain, fera même jalouser les Américains. 350 ans et rien n'a changé. Les financiers ont remplacé les rois. Le chômage a remplacé la peste. Le ring a remplacé la forteresse, mais les Carolos sont restés. Raillé dans tout le pays, il n'a pas changé. Hier, être Carolo était un fardeau. Aujourd'hui, c'est une fierté, car en 350 ans, il s'est toujours relevé. Le pays noir, plus coriace qu'un cafard. Personne ne peut l'écraser, pas même les rouleaux compresseurs, qu'ils soient construits à Gosselies, en Chine ou ailleurs. Non, libre sur cendre ne tombera pas. Plutôt mourir que de viquer Saint-Charleroi. Rien que d'y pincer, sainté quand même cœur bas. Ah, c'est beau. C'est québécois, ça. Je laisse planer le doute. Hein. En tout cas, c'est une belle déclaration d'amour à la ville de Charleroi. Oui, mais vous êtes, vous venez de là, vous. Je suis absolument. C'est marqué sur son t-shirt. Oui, on peut pas le rater. Ça peut être un. Et en plus, c'est moitié allemand, moitié Carolo. Ich bin ein Carolo. C'est un homme du monde, un citoyen du monde. Voilà. Bon, après vous avoir entendu, eh bien, on va écouter Raoul Reyers, qui va nous faire le plaisir de nous distiller pour vos petites oreilles bien quelques morceaux insolites de l'actualité. Hey, Raoul, ça fait du bien. Allez, comme chez le boucher, servez-nous ça en tranche. Bien frais, il y a un peu plus, je vous le mets. Bah, allez-y. Tiens, vous vous souvenez de qui a gagné The Voice en 2013 en France? Jennifer. Non, c'était Kenji Girac. Bah ouais. Le fils de Jacques. Et depuis, il enchaîne les succès. Et c'est ce qu'on raconte. Moi, je n'ai jamais entendu ce qu'il chantait. Mais quand un artiste a du succès, qu'est-ce qui se passe? Ça ne loupe pas. Laura et Rudy ont donné Kenji comme prénom à leur petit bébé. Jusque-là, rien de drôle, me direz-vous. Sauf que vous savez où ils habitent, la famille? À Girac. C'est génial. Ouais. Ça n'a aucun rapport, mais. Mais voilà. C'est beau, c'est très beau. Et un petit Kenji est né ce dimanche à Girac. C'est bien. Et on sait si l'histoire dit que le chanteur a été visité, la famille. Et les parrains. Sûrement. Pareil. Bah oui, ils ont certainement demandé, puisqu'ils sont fans. À leur place, je l'aurais fait. Vous imaginez, à l'époque, le premier Johnny? Un petit Raoul Néo Bavarayas. Bon, une autre histoire. Est-ce que vous vous souvenez de Johan Diniz? Oh oui, c'est oui. Ce pauvre marcheur. Ce pauvre marcheur qui, malheureusement, s'est un peu oublié en marchant pendant 50 kilomètres à Rio. Mmh. Eh bien, il va mieux. En 2 semaines, il a bien récupéré et le journaliste lui demandait, avec le recul, vous ne regrettez toujours pas d'être allé au bout de vous-même? Et le coureur a répondu, non, j'ai montré qu'il ne fallait jamais rien lâcher. C'est formidable. Ah, c'est plein d'humour. Il fallait que je vous le dise quand même, ce que j'ai entendu dans ma voiture hier matin. Dites-moi. C'était une question qu'on posait à des auditeurs. Oui. Et ça m'a touché parce que moi, les animaux. Ça vous parle. Ça me touche. Les croquettes pour chiens contiendraient au moins 8 substances toxiques qui font baisser la fertilité des chiens et qui augmentent le cancer des testicules chez le chien. Ah ben voilà. C'est terrible. Voilà. Moi, j'ai failli pleurer parce que c'est moche quand même. Merci à Raoul pour ces petits insolites. Et puis dans la suite, on jouera avec l'un ou l'une d'entre vous. Oh, qui a dit « Ils sont en solde ?» C'est la phrase avec laquelle nous jouerons dans un instant. Vous aurez bien entendu droit à des propositions à la clé pour vous. Time's up, party. Excellent jeu à découvrir ou redécouvrir en famille. En tout cas, c'est ce que nous vous offrons. Inscrivez-vous CPS au 60 31 75 centimes. Le message 16h30, c'est tout de suite. Et à 16h30, qu'est-ce qu'on fait? On s'informe. Merci. Bon, vous êtes prêts? Les pianos droits à queue et digitaux, les pianos neufs et d'occasion, les prises imbattables. Eh bien c'est parti pour la valse des portes ouvertes des pianomanes. Portes ouvertes en septembre, facilité de paiement, leasing et location. Les pianomanes Bruxelles, près de la gare du Midi et sur maene.be. La première présente, Art on Paper, du 8 au 11 septembre, le salon du dessin contemporain en collaboration avec Beaux-Arts. Situé au cœur de Bruxelles, le salon réunit 25 galeries belges et internationales, 25 solo shows d'artistes contemporains et une nocturne avec des performances dessinées live le samedi 10. Art on Paper. Plus d'infos sur artonpaper.be. Une place près d'un mur, attention à ma voiture. Check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 euros. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? J'inspire le quartier. Comment ça ? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement. Pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial ! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75, 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. La première et Tour des sites d'organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Space X Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spacexhours.com. La première. 16h30. Et on s'informe avec Nicolas Lehmann. Bonjour Nicolas. Bonjour. Il ne s'était plus vu depuis l'annonce de la fermeture vendredi. Syndicats et direction de Caterpillar se retrouvent cet après-midi pour la première fois. La direction belge locale, donc, qui a été mandatée par la maison mère pour mener toute la procédure Renault. Quel avenir pour les travailleurs, pour le site, pour les sous-traitants aussi? Autant de questions abordées ce matin au Parlement fédéral, mais aussi wallon. Des débats, on retiendra notamment cette promesse formelle de Paul Magnette. Le site de Gosselies sera repris, assure le ministre président wallon. Ils sont tout bleus et sont un complément à vos déplacements en train. Les Blue Bikes de la SNCB cartonnent en Flandre, beaucoup moins en Wallonie. Quelques éléments d'explication tout à l'heure dans le journal de 17h. En football, Chypre-Belgique, c'est ce soir le premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2018. Coup d'envoi à 20h45. Une petite statistique au passage, la dernière fois que les Diables ont perdu le premier match de qualif pour une Coupe du Monde, eh bien c'était au début des années 60. C'est à suivre ce soir avec la RTBF. Bel après-midi. Merci Nicolas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce site de Paris Sportif qui a proposé une cote de 1 contre 1000 si les Diables, en tout cas, chantaient tous l'hymne national, la Brabançonne. Ouais. Donc c'est énorme quand même. C'est... Raoul, vous avez entendu parler de cette histoire ? Oui, j'ai entendu parler de cette histoire et c'est l'équipe de rugby qui a mis ça, qui a d'abord fait la proposition et ça a fait des... Vous imaginez, vous mettez 1 euro, vous pouvez en gagner. Les hockeyeurs. De quoi ? Il y a plus de chances que les gens de la NVA y arrivent tous ensemble. Mais en fait, il faut que tout le monde chante. Si un jour ne chante pas, ça c'est ne passe foutu, pas. Il faut que tout le monde chante. Et dans les trois langues. Et dans les trois langues. Oui. Ah ouais, en plus. D'accord. Ils ne sont jamais pris. Non, pour mais ce soir. C'est-à-dire que rien que pour chanter la Brabançonne dans les trois langues, il faut des 45 minutes en fait. Même le roi n'y arrive pas. Oui, c'est ça. Bon, en attendant, jouons avec l'actualité du jour. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Et nous voyageons en Belgique après avoir parlé de Charleroi, direction bien la cité ardente, Liège, avec Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour. Vous allez bien ? Je vais bien, merci. Alors, vous êtes prof, et on l'apprend dans l'actu du jour, la première université de Belgique. Oui, il paraît. Oui, il paraît. Ben écoutez, ouais. on l'a découvert également aujourd'hui, la KUL, prof de stabilité des structures en acier. Facile. Ah, oui. C'est-à-dire que vous faites quoi ? Le pont ? C'est ça, elle fait le pont. Voilà, on fait un peu des ponts, oui. Ah, d'accord. Mais Barbara, vous avez lu l'actu du jour, ou en tout cas vous avez entendu celles et ceux qui la font aujourd'hui. Non, je n'ai rien lu du tout. Ah. Non, je veux juste gagner le Time Is Up. Ah, vraiment. Écoutez, ma chère Barbara, il y a une petite condition pour remplir, justement, pour repartir avec Time's Up. Ah oui, il va falloir me dire qui aurait pu dire ils sont en solde. Et oui, nous allons... je pense que c'est peut-être que ce serait Magnette, mais en parlant des ouvriers de Caterpillar, mais j'espère de tout cœur que ce n'est pas le cas. Ah, eh ben, écoutez. Attendez. Ils sont en solde. On va vous faire les propositions et d'après ces propositions, eh bien, il y a une réponse. C'est con ce que je viens de dire. Ça s'appelle un jeu. Il y a des moments comme ça où vous partez en roue libre. Il faut choisir, c'est ça. Voilà. Et vous vous dites, il y a des moments où vous vous sentez seul et vous vous en rendez compte. Et vous vous dites, continue, il n'y a personne qui voit. Et puis vous dites non, finalement, allez. Comme vous avez bien insisté maintenant. Maintenant tout le monde le sait, mais bien sûr. Il y a des moments où je le fais, mais personne ne le voit. Et là, je voulais marquer le coup. En attendant, Barbara, qui aurait pu dire ils sont en solde? Proposition de Raoul Reyers. Eh bien, c'est Marc Goblet qui pense que les voyants qui sont engagés par les différents gouvernements et qui n'ont pas bien fait leur travail, puisqu'ils n'ont pas su prédire toutes les catastrophes, ils sont en solde. Mmh. Le gouvernement n'en veut plus. Marc Goblet pour Raoul Reyers. Pour Paul Mosseret. Alors, ce serait le narcotrafiquant El Chapo, parce qu'en fait, des chercheurs brésiliens ont découvert un vaccin contre la dépendance à la cocaïne, et donc il aurait déclaré faire une grande période de solde sur ses stocks brésiliens. Ah, ouais, c'est vrai qu'on a lu ça dans l'info du jour aussi. Et hey, le popole, il travaille. Hein. Vous voyez qu'à un moment, je marque pas de blanc, je continue tout de suite. C'est ouais, vous qui avez tourné. On va demander à Michael Albas. Michael, qui aurait pu dire ils sont en solde pour Barbara? Eh bien, c'est Bruno Venanzi, le président du Standard, qui répondait à la question d'un journaliste. Pourquoi changez-vous si souvent d'entraîneur? Parce qu'ils sont en solde. Pour information, depuis la création de cette émission en septembre 2014, le Standard a déjà connu 6 entraîneurs en comptant le nouveau. Bravo à Ferreira qui a quand même tenu un an quand son prédécesseur avait été démis au bout de 2 mois. Ah ah, Catherine Ronvaux, ils sont en solde. On reste dans le foot, c'est Thierry Henry qui parle des tickets pour le match du Diable Rouge ce soir. Ah, oui, quand même, ils sont en solde. Quoi. Bah oui. Et enfin, Vincent Flibustier, qui aurait pu dire ils sont en solde. Eh bien, c'est un certain Benoît Lutgen, je ne sais pas qui c'est, il parlait de l'Europe, en fait, des travailleurs, notamment Caterpillar, tous les travailleurs d'Europe sont soldés. Voilà, c'est un homme politique, j'imagine, je ne connais pas. Merci. Alors, Vincent Flibustier. Sûrement un flamand. Ouais, Lutgen. Lutgen. Lutgen. Il était d'ailleurs ce matin dans le matin première. Ah oui. Ouais, vous l'avez sûrement. Ah, c'était entendu. Lui. Lutgen. Lutgen. On va demander à Barbara. Barbara, ils sont en solde. J'ai l'impression que ma première réponse se rapproche le plus de la toute dernière proposition. Et on voit que vous êtes prof en stabilité des structures. Donc, par déduction, tout de suite, elle a repéré celui qui, effectivement... Elle s'est dit le Standard, c'est pas très stable. Prof à l'université, prof de stabilité des structures en acier, Barbara de Liège. Ils sont en solde, vous vous dites, et vous pensez que ça pourrait être Benoît Lutgen qui aurait pu prononcer donc cette fameuse phrase « ils sont en solde ». Je ne suis pas certaine, mais je pense que ça peut être un certain monsieur Lutgen ou Lutgen. Lutgen. Alors je vais vous dire comme on dit à l'UNIF. À un moment donné, ne pensez pas, soyez certaine. Ah, c'est mon dernier mot, ouais. Eh bien écoutez, c'est gagné, ma chère Barbara. Vous repartez avec ce jeu. Tant convoité, merci. Time's up, party, c'est time's up, sauf qu'à la place du sablier, bien, vous avez un petit buzzer, vous allez pouvoir vous amuser en famille, on vous envoie ça très rapidement. Super. Et effectivement, Benoît Lutgen l'a dit, écoutez. Et même au sein de l'Union Européenne, on organise entre travailleurs des conflits sociaux par cette braderie quelque part, et c'est les travailleurs qui sont en solde. Eh oui, ce matin, il était l'invité de Bertrand Haine, le président du CDH, Benoît Lutgen. Il est évidemment revenu sur le dossier Caterpillar et a adopté une posture combative, concentrant donc surtout ses critiques vers l'Europe. Pour le président des humanistes, le drame Caterpillar n'est pas une conséquence de la réalité économique, mais elle est financière. Le site d'ailleurs, et ça c'est Paul Magnette qui l'a déclaré, le site qui sera repris... Il parlait du site internet. et Benoît Lutgen qui a rebondi en disant que bah, il verrait bien l'aéroport de Kosli. C'est les travailleurs qu'on met en solde. Donc voilà. Ce qui est quand même bizarre, c'est que le CDH, comme tous les autres, ont toujours signé tous les traités européens et à peu près tout, et maintenant ils vont cracher dessus. Quoi. Ouais. S'appelle la politique. Voilà, voilà. En tout cas, Barbara, on vous salue, restez nous fidèles, restez presque sérieuses. Bien sûr, merci. Au revoir. À bientôt. Et merci à vous, au revoir. Merci à Barbara. Oui, Raoul. Walid, les avions de Charleroi pour aller sur le parking de Caterpillar, ils doivent passer au-dessus du Quick. Mais c'est ça. mais je veux dire, il y a un moment donné quand vous vous dites, tiens, on en ferait une extension de l'aéroport de Gosselies, où est-ce qu'on va mettre la piste? Ça, la piste, elle reste à creuser. En attendant, elle va nous parler de l'actualité. C'est Catherine Ronvaux et avec vous, on parle justement de Caterpillar. Te fais pas de mouron, mec. La machine à poinçonner est en marche avec Mézigo commande. Il va tous les repasser, ton pépère. Monsieur le prétentiaire, d'abord. Puis son fils. Puis ses neveux. Puis ses cousins de province. Puis sa sœur. Toute la basse-cour. Et oui, Elio Di Rupo l'avait annoncé, Caterpillar va être repris. Mais une question subsiste. J'ai le cœur qui saigne. Par qui ? Ben oui, c'est l'homme au nœud papillon qui va sauver la chenille. Après avoir menacé les Américains d'un « on va être sévère, très très sévère », Elio Di Rupo a pris sa plus belle plume, on ne sait pas exactement d'où il a tiré, et s'est adressé en ces mots aux repreneurs potentiels. C'est petit, ça. Chère Madame Céline Dion, tout d'abord, excusez-moi pour l'adresse. Enfin, j'espère que les facteurs américains sont tout aussi sympathiques que les facteurs islandais et que mon dessin de la grosse villa sur la moitié de la Floride et surtout du gros micro sans fil a bien été interprété et que cette missive s'est retrouvée entre vos mains et non celle d'un camarade du Club Pulse. Je me permets de vous écrire pour vous féliciter pour votre spectacle à Las Vegas et je reste ébahie face à vos prestations à 125 000 $ la soirée. Même si un journal canadien titrait ce matin « Céline retrouve son trône », vous êtes loin d'être dans le caca. Avec vos 550 000 $ de gains depuis 2003, je dis bravo. Et je dis même plus, vous qui êtes habitués aux strass et aux paillettes, je vous invite à découvrir la limaille de fer. Sachez que je suis un de vos fans de la première heure et que je vous fais un appel solennel afin de sauver Caterpillar, le fleuron de notre région de Charleroi, la capitale du Pays Noir. Sachez que cette ville de Charleroi est dirigée par un mini Trudeau, un homme politique au sex-appeal évident mais à la taille réduite qui répond au doux nom de Paul Magnette. Enfin, je vous parle du Premier ministre canadien alors que vous habitez aux États-Unis et que vous êtes un peu une évadée fiscale, mais n'ayez crainte, cela sera possible pour vous aussi chez nous. Vous avez dû en discuter avec Franco, notre ami commun. Certes, une liste de noms de tricheurs circule, on en parle de temps en temps, mais très vite on passe à autre chose. On passe au foot ou... au foot. Enfin, le soccer. D'ailleurs, petite parenthèse pour vos trois gamins, pas de souci pour eux d'intégrer l'équipe nationale puisqu'ils ont déjà la base, une coupe de cheveux de merde et un compte en banque. Mais revenons à ce qui m'amène, enfin à ce qui pourrait vous amener chez nous en Belgique, Céline Dion. Caterpillar est une espèce de ranch avec de vieux tracteurs situés entre l'aéroport de Bruxelles-Sud et de nombreux magasins de chaussures comme Brentano ou Luxus Magnette. Là, rien à voir avec le bourgmestre de la ville. Aéroport et magasins qui pourraient évidemment faire partie du lot si vous le souhaitez. Les volumes sont tout à fait séduisants et modulables. Ils pourraient accueillir soit votre seconde, entre parenthèses, résidence, soit une salle de spectacle pour 8000 personnes par exemple. En termes de spectacle, sachez qu'en Belgique, nous aussi, nous avons des enfoirés, au nord comme au sud, et surtout un bon potentiel de guignol. Les machines du ranch risquent bien de trouver rapidement preneur. Franco Dragon cherche chaque année des grues pour décrocher la lune à la Louvière. Quant au bulldozer, il est possible que dans le nord du pays, on vous en commande à des fins de nettoyage. Il est évident que les arrangements concernant les primes, aides et coups de pouce ou autres taux d'imposition improbables ou surréalistes, bienvenue en Belgique, octroyés aux anciens propriétaires resteront de mise. Enfin, si vous cherchez une compagnie pour vos longues soirées d'hiver, je ne suis certes pas aussi vieux que feu votre René, mais du haut de mes 65 ans, je peux vous affirmer que je suis encore bien vivant. Votre Elio PS de point président. Ça va peut-être pas comprendre. C'est pas voilà, quelle sera la réponse de Céline ? All by myself ou Titanic ? Ben, l'avenir nous le dira. Merci Catherine. C'est ça. Merci en tout cas pour cette chronique à redécouvrir en podcast en émission du jour sur le rtbf.be/ovio. Raoul, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Ah non, il se grattait. Vous l'avez réveillé. Non, mais je peux rajouter quelque chose. Dites-moi. Elle peut venir. À condition qu'elle ne chante pas, quoi. Merci, Raoul. Et dans la suite, on continue à s'intéresser à l'actualité. Nous allons nous intéresser aux histoires de Vincent Flibustier, aux histoires de l'histoire. Car oui, aujourd'hui, en ce 6 septembre, il s'est passé quelque chose. Ce sera à vous de le déterminer. Restez avec nous, restez presque sérieux. Et surtout, je le dis et je le répète, après les infos de 17h, on a une chance. Le tube de cet automne, de cet hiver. Voilà. Ouais. En France, ça va faire un carton, c'est moi qui vous le dis. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce pilot assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Le circuit de Spa-Francorchamps, un lieu mythique pour se retrouver en famille. Avec des amis ou entre collègues, et vivre ensemble des sensations inoubliables. Participez à notre baptême de piste et prenez d'assaut le célèbre Raidillon. Deux tours aux côtés d'un de nos pilotes et deux tours soi-même au volant de sa propre voiture en toute sécurité. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. Ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine vous font vivre un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info journeedupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon avec le soutien de La Première et La Une. La Première. Mobile Info. À 16h44, retrouvons Pierre Collard-Bovy avec le mot kilomètre et le mot carrefour qu'il ne fera donc pas prononcer. Pierre, c'est parti. Heureusement qu'il ne se passe pas grand-chose du côté du Léonard. Bien, alors, terminé pour l'accident sur le ring de Bruxelles, en circulation extérieure à hauteur de Isingen. On en parle plus sur le ring de Bruxelles toutefois. 17 minutes supplémentaires pour l'intérieur, 20e carrefour Léonard. Ah, j'ai dit carrefour. 12 minutes pour l'extérieur, 20e Grand Bigard. Plus 10 minutes pour l'extérieur, Grand Bigard au titre. Les autres tronçons sont ralentis, mais c'est tout à fait raisonnable. Un véhicule est en difficulté sur la 54 Nivelles Charleroi à hauteur de la sortie Petit Reux. Il y a des files en direction de Charleroi. On a annoncé tout à l'heure un gros dégagement de fumée puisque le véhicule était en feu. J'imagine qu'il est éteint, mais soyez attentifs quand même. Un camion est toujours en panne sur la N4 Namur-Arlon à hauteur de Champlon. Il obstrue la bande de droite en direction d'Arlon. Sur le 40, Aix-la-Chapelle-Bruxelles dans le chantier de Charatte, vous êtes ralenti vers Bruxelles et vers l'Allemagne. C'est plus important puisque vous perdez 47 minutes entre Votem et Charatte. Ralentissement encore au poste frontière français. Sur le 17, Gand-Lille, file à partir de Albé qui vous perdez une dizaine de minutes. Et tout à l'heure, un problème sur la route, signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Tout à l'heure, ce sera banc des fils qu'il ne faudra pas prononcer. Oh, d'accord. Ah oui, ça va être facile ça. Mais oui, je... bah, préparez-vous, à tout à l'heure. Le défi, d'accord. À tout à l'heure. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy ça. Hey Houston, on a un problème ici. Un jour dans l'histoire, tous les jours de la semaine, sur la première de 13h30 à 14h30, et au sommaire de l'émission présentée par Laurent de Hossey, demain, elles ont partagé la vie d'Édouard II d'Angleterre, de Jules Verne, d'André Gide ou de Lord Mountbatten. C'est les épouses d'homosexuels célèbres. C'était un Congolais, ça, oui, Lord Mountbatten. Un noble africain. Mountbatten. Et donc, rendez-vous demain pour Un jour dans l'histoire. En attendant, l'histoire s'invite également dans cette émission avec une question en rapport avec le 6 septembre. Écoutez la question signée Laurent de Hossey. Ce jour-là, je suis resté sans voix. Ah ouais. C'est Laurent okay. Louis aux dernières élections à Nivelles. Non, c'est pas ça. Non. Est-ce qu'on parle de voix comme ça justement de non, pas de voix. On parle d'une grande voix électorale. On parle d'une grande voix. Un chanteur. Un chanteur. Oui. Qui est mort. Okay. C'est le jour de ça. Bah, oui. Il restait évidemment, sans voix. Il y en a quelques-uns. Sans voix. Ouais, un chanteur qui est décédé le 6. Ouais. Les mauvaises langues diront que bah. Michael Abbas, il dirait quoi les mauvaises langues? Qu'il a quoi? Qu'il a quoi? Non, qu'il a commencé son régime ce jour-là. Voilà. Ok, donc un chanteur. Carlos. Carlos. Non. Demis Roussos. C'est l'autre. Non. Demis Roussos. Et franchement, il y a Carlos, Demis Roussos, ce sont que des sosies. Le sosie des deux, c'est qui? Pavarotti. C'est lui. C'est Pavarotti qui nous quittait un 6 septembre, le ténor italien Luciano Pavarotti. Carlos Kleiber, le chef d'orchestre, disait de lui d'ailleurs, quand Luciano Pavarotti chante, le soleil se lève sur le monde. Selon la puissance relative, on pourrait classer les voix de la manière suivante, par intensité croissante. Par exemple, les voix de micro. Les voix de micro, c'est moins de 80 décibels. les grandes voix d'opéra, c'est plus de 120 décibels. Ouh, ça fait mal. Ouais, les voix d'opéra, c'est de 110 à 120. Les voix d'opérette, c'est de 90 à 110. À 100, pardon. Et les voix de salon, c'est de 80 à 90. Et quand Hervé Villard chante, il pleut. C'est exactement ça. Voilà. Et souvenez-vous, le premier son, en parlant de voix, en parlant de glotte, le premier son enregistré dans l'histoire de la FM, dans l'histoire de... C'était ça. Ah, il nous a sorti 17h. Oui, c'est... Depuis, on est sorti de l'eau pour chanter. Vous reconnaissez l'air? Oui. On dirait qu'il y a quand même une espèce c'est de stéréo. Jeanne Calment. On dirait qu'elle est sous l'eau. Qui chante sous l'eau. C'était brouillé à l'époque. Édouard Léon Scott de Martinville, au clair de la lune. C'était en 1860, en avril 1860. Ah, ça remonte. Hein. On va en faire un disque, tiens, ce truc. Je suis certain que David Guetta va le reprendre. Certain, ça ferait un carton. Bon, en attendant d'écouter les histoires de Vincent Flibustier, d'autres moments de joie, de bonheur avec les voix, des casseroles, de chants qui chantent, mais presque comme Pavarotti. Hein. Je t'aime. Ah non, là, ils ne vous aiment pas. Je découvre depuis toujours. We'll always love you. And you know you can survive. Il y a des moments comme ça où vous vous dites, bon bah, oui, tout le monde ne peut pas chanter. Et eux, par contre, ils peuvent le faire. Ils sont d'ailleurs en concert le 18 novembre au Botanique. La femme, c'est ce que nous écoutons maintenant. Où va le monde? C'est l'extrait que vous écoutez. Les tickets qui sont d'ailleurs en vente sur le rtbf.be/tickets. La femme sur la première, c'est tout de suite. Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Chaque fois que je veux bien faire les choses, j'irai toujours de travers. Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers. La femme, où va le monde? C'est la question que tout le monde se pose. Oui, la réponse est bien peut-être le 18 novembre au Botanique. Allez les applaudir en concert, c'est ce que vous écoutiez à l'instant sur la première. Bonjour, messieurs Vincent. On s'informe à 17h, mais avant, Vincent Flibustier a deux histoires à vous raconter. L'une d'entre elles est vraie. Et oui, informons-nous, j'ai décidé de répondre enfin, Walid, à la question qui intéresse tous les Belges. Et pour preuve, j'ai fait un micro-trottoir cet après-midi sur une personne interrogée au hasard. Bonjour, est-ce que vous pouvez me poser la question dont vous voulez le plus connaître la réponse? Eh bien, moi, je voudrais savoir comment est mort l'homme qui avait la plus longue barbe du monde. Eh bien, jeune fille, je vais te le dire. Chers auditeurs, je vais vous le dire. Votre vie va changer à tout jamais. Vous aurez enfin quelque chose à raconter à vos amis. C'est fini de passer pour un mec qui écoute Radio Contact. Le savoir s'ouvre à vous. Heinz Steininger était l'homme à la barbe la plus longue du monde. Et il est mort en 1567 lors d'un incendie. Non pas à cause du feu, mais parce qu'il a couru dehors et a trébuché dans sa barbe, se brisant la nuque. Voilà, maintenant... Vous savez. Mmh. C'était des mises roussos. C'est bien, c'est bien. Merci. C'est oui. C'est bien. Allez, 16h50, presque 54. Deuxième histoire. Vous allez me tuer. En 1960... Laissez-vous pousser la barbe, ça, vous le ferez tout seul. En 1967, l'homme a la plus longue moustache. En 1967, l'homme à la plus longue moustache du monde était Herbert Danstan, un Hollandais. Et il est décédé lors d'un saut en parachute. Au moment où il a ouvert la toile, sa moustache s'est prise dedans et on ne sait pas s'il est mort de strangulation avant de toucher le sol, mais le poil tue, les amis, c'est prouvé. 100% des gens qui ont des poils mourront, et ça, personne n'ose le dire. Eh ben, il y a une chose est sûre, il est vite tombé. Ah ouais, faut dire qu'il a sauté du premier étage. Bon allez, c'est comme quoi on y arrive. Une histoire de barbe ou de moustache. Ouais. Vous me dites barbe ou moustache, ça me donnera l'idée de l'histoire en laquelle vous croyez. Michael Albas. Allez, barbe. Barbe. On va demander à vous. À vous. Paul. J'allais dire Pierre. Voilà. Ils sont tous barbus autour de cette table. Ouais. Moi, je dirais la barbe aussi. La barbe. Moustache. Moustache, c'est plus fin. Moustache, c'est plus fin. Bien, roulement de tambour pour découvrir l'histoire vraie du jour. Alors, moustache ou barbe ? Einsteininger ou Herbert Danstan ? Encore des Africains. Ouais. Eh bien oui, chers auditeurs, sachez-le, c'est un jour dans l'histoire. C'est aussi un petit peu le monde est un village, puisque le savoir inutile est donc indispensable du jour. Eh bien, la mort de l'homme à la plus longue barbe de son époque, plus d'1,50 m. Et aujourd'hui, sachez-le, dans sa petite ville d'Autriche, on peut voir sa barbe exposée dans un petit musée. Explosée. On l'avait mesuré à l'époque, on avait écrit ça quelque part, comment ça s'est passé On l'a retrouvé mort dans la rue vu qu'il était trébuché, on lui a coupé la barbe, on l'a enterré, on a mis la barbe au musée. Ah oui, donc la barbe elle est toujours au musée. La barbe est au musée, on peut trouver des photos. Ouais. C'est vrai ? Oui, oui. On peut mettre les photos de la barbe. On peut mettre la photo de la barbe sur la page Facebook. Parce que je suis en train de voir s'il dit vraiment la vérité. Là, il est en train de suer. Là. Oui, absolument pas. Je mets la photo de la barbe immédiatement sur Facebook parce que les gens veulent savoir. Ouais. Donc, la plus longue barbe du monde. Donc il n'y a personne après. À l'époque, en 1567. Hein. 1,50 m quand même, il fallait déjà Je me suis arrêté là. Mais maintenant, depuis dans le Guinness Book, il n'y a personne qui a battu le 1,50 m. Peut-être bien. Il y avait quand même des gens. C'est le gars quand il est mort à l'époque qu'il est tombé dedans, vous savez, voilà. Mais depuis l'heure, il y a quelqu'un qui a quand même une barbe de plus d'un mais mètre cinquante. Peut-être qu'ils ne sont pas encore le père Fourasse. Ouais, par exemple. Ça, c'est une fausse. Ou Jean-Pierre Van Rossem. Aussi. Vous vous souvenez hein. Bien sûr. Vive la République. C'est ça qu'il avait crié. Je sais pas, il avait les Ferrari. Oui, mais surtout qu'on l'a sorti. On l'a sorti tout de suite après. C'était assez exceptionnel. En tout cas, merci Vincent Flibussi pour ces histoires. N'hésitez pas à les raconter quand vous allez chez le barbier, chez le coiffeur. Hein. L'homme qui avait donc la plus longue barbe du monde, ça fait toujours plaisir de. Si je raconte ça à mon coiffeur, je ne sors pas avant 2 heures parce qu'il va me raconter 10 autres histoires de barbe. Mais il faut les enregistrer pour Vincent Flibussi. J'adore. C'est comme ça. 17h, on s'informe, on aura droit à un titre que vous allez retitrer, ce titre je vous le donne sans plus attendre. On va parler aujourd'hui de la SNCB, puisqu'on apprend dans la presse du jour qu'en retard au travail, aujourd'hui la SNCB risque de vous pénaliser, puisque selon une information, la direction veut adopter une nouvelle mesure. Les travailleurs de la SNCB qui se rendent au travail en train ne seront plus excusés pour le retard et le temps perdu, ne sera plus inclus dans le temps de travail, mais sera décompté de leur temps de congé. C'est le programme de C'est Presque Sérieux. Et attention, après 17h, il y a le hit de cet été. Enfin, de l'été prochain. Dites, la Peugeot 2008, là, le grip control, elle l'a ? Elle l'a. Et le high cockpit avec écran tactile, elle l'a ? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Portes ouvertes ce week-end, dimanche compris. Offre soumise à condition.

dans les heures qui viennent. Le gouvernement wallon précise que les démarches qu'il entreprend ne concernent pas que Caterpillar, mais aussi les nombreux sous-traitants. Jean-Claude Marcourt. Nous allons voir individuellement avec eux les conséquences de la situation actuelle pour voir comment surmonter ce drame. Et au Parlement wallon, outre les entreprises qui travaillent pour Caterpillar, il a aussi été question du sort des petits commerçants proches du site, ceux qui travaillent grâce à Caterpillar, également touchés par l'onde de choc. Le dossier Caterpillar domine encore donc largement l'actualité sociale et politique. Jeudi, c'est le Premier ministre Charles Michel et le ministre fédéral de l'Emploi, Chris Peeters, qui viendront en commission à la Chambre. Ce matin, on l'a dit, c'était les syndicats. Pierre Magos et Stéphane Crombin étaient à la Chambre. L'occasion de constater comment la crise Caterpillar était perçue, notamment au sein des partis flamands. Cible évidente de tous les groupes politiques, la direction de Caterpillar et son refus de venir s'expliquer devant les parlementaires. Mais sur le fond aussi, les analyses convergeaient pour condamner la décision de la multinationale. Une belle unanimité, au moins le temps de cet échange de vues avec les syndicats, mais qui a quand même vu majorité et opposition, francophones et flamands, se rejoindre. Par exemple, la NVA Zualdemir disait ne pas comprendre le choix de Caterpillar. Je pense que c'est une décision honteuse, une honte, parce qu'irrespectueuse de tous ces travailleurs qui ont donné tant d'eux-mêmes. Allez, dans ce dossier, les travailleurs n'ont rien à se reprocher, et les syndicats non plus. Un bémol tout de même pour Christophe Calvo, le chef de file Groen, les Verts flamands, la solidarité Nord-Sud n'est pas gagné d'avance. Je pense qu'une crise comme Caterpillar mérite plus d'attention aussi dans la presse flamande qu'on lit aujourd'hui. Mais je suis content de constater ici une certaine unité nationale. Quasi tous les partis politiques ont condamné l'absence des patrons. Et j'espère que cette unité nationale dure plus longtemps qu'une semaine ou deux semaines. Le tableau très consensuel d'aujourd'hui risque effectivement de se lézarder dès qu'il faudra parler du sort des prépensions, de la flexibilité, de l'impôt des sociétés ou encore de la révision de la loi Renault. La commission d'enquête parlementaire consacrée aux attentats du 22 mars à Bruxelles a repris ses travaux cet après-midi. Il est prévu de s'intéresser à l'architecture de la sécurité en Belgique. En clair, il y sera question de la communication entre services de renseignement, mais aussi de la manière dont la surveillance des membres des réseaux terroristes a été menée en Belgique. La réunion du jour se tient à huis clos. En juillet dernier, les membres de la commission avaient rédigé un premier rapport. Il portait sur l'organisation du travail des services de secours en cas d'événement grave. Environ 300 constats et recommandations ont été établis. En Birmanie, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est arrivé dans l'ouest du pays. Aung San Suu Kyi, la ministre des Affaires étrangères, lui a demandé de trouver une solution au drame de la minorité musulmane des Rohingyas. Mais Daniel Fontaine, Kofi Annan a été accueilli par des bouddhistes nationalistes plutôt en colère. Oui, la question des Rohingyas est très sensible en Birmanie. Cette minorité musulmane opprimée d'un million de personnes n'a pas d'existence légale. Ils ne sont pas considérés comme birmans, mais comme apatrides. Les nationalistes bouddhistes rejettent leur reconnaissance, vue comme une menace à l'identité bouddhiste du pays. Des manifestants étaient venus aujourd'hui crier leur hostilité à l'ancien secrétaire général dès sa descente d'avion. Non à l'intervention biaisée d'étrangers dans nos affaires, pouvait-on lire sur leur pancarte. C'est pourtant le chef de facto du gouvernement birman, Aung San Suu Kyi, qui a fait appel à Kofi Annan pour aider à résoudre le problème. Aung San Suu Kyi, ancien prix Nobel de la paix, s'était vu reprocher sa passivité dans ce dossier. L'appel à Kofi Annan constitue une tentative de trouver une solution à dimension internationale au problème Rohingya. Il y a une semaine, l'actuel secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a demandé au gouvernement birman d'accorder la citoyenneté aux Rohingyas. Ils n'ont accès ni aux hôpitaux, ni aux écoles, ni au marché du travail en Birmanie. Des dizaines de milliers d'entre eux vivent dans des camps depuis une vague de violence de 2012. Dans l'actualité sportive du jour au Standard, on change d'entraîneur, ce n'est pas vraiment une surprise. Yannick Ferreira quitte le club liégeois et le Serbe Aleksandar Jankovic le remplace. Le nouvel entraîneur arrive en droite ligne de Malines, il est motivé et il mettra toute son énergie dans l'aventure. Moi, j'ai décidé de quitter ma zone de confort pour essayer de faire quelque chose de plus. J'avais, comme vous le dites, une situation stable à Malines, mais de l'autre côté, j'ai un grand club qui m'a contacté. J'ai réfléchi et j'ai plongé dans le projet, donc je suis complètement sûr et certain d'avoir fait un bon choix. Fier, et privilégié de pouvoir intégrer le Standard, l'un des plus grands clubs en Belgique, avec beaucoup d'ambition et beaucoup de qualité. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter au Standard ? Tout ce que j'ai. Je viens et je me donne à fond. Je ne sais pas calculer, je donne tout ce que j'ai. J'essaie d'injecter tout ce que j'ai au niveau mentalité, discipline, motivation, savoir-faire. J'essaie d'injecter dans l'équipe. C'est vrai que je suis exigeant après, vis-à-vis des joueurs, mais c'est aussi vrai que je ne demande jamais aux joueurs de faire quelque chose que moi, je n'ai pas fait avant. Alexander Jankovic avec Pierre Capart. Le premier match du Standard avec son nouvel entraîneur, ce sera dimanche soir contre Genk. En football encore, Chypre-Belgique, c'est ce soir. Et c'est une rencontre qui marque le début de la campagne qualificative à la prochaine Coupe du Monde 2018 en Russie. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45 à suivre sur tous les médias de la RTBF. Très belle fin de journée à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. 17h08 sur la première, il est temps de retrouver Walid et ses chroniqueurs. Merci Diane, retournons l'information tout à l'heure à 17h30 avec Arnaud Roysen pour Soir Première. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Et on ne le répétera jamais assez, rire ça fait réfléchir et réfléchir ça fait grandir. Nous sommes presque sérieux tous les jours de la semaine durant une heure et demie. Nous repassons en revue, nous passons en revue tout simplement l'actualité avec un regard différent. On louche un peu sur l'actualité. C'est-à-dire, si on va chez l'ophtalmo, on a deux. Voilà. Mais on voit quand même. Je veux dire, parce qu'on rit. Mais pas la même chose, effectivement. Vous voyez quoi là? Je vois, c'est déjà bien. C'est Dalida. C'est ça. En tout cas, merci à vous de passer ces fins d'après-midi presque sérieuses avec nous. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission si vous souhaitez prolonger cette aventure presque sérieuse avec notamment des cadeaux, de l'actu, des cadeaux justement, on vous en offre. Il en est question sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux. Des jeux Time's Up Party, c'est pour vous. Donc n'hésitez pas à liker la page et venez rejoindre cette grande communauté presque sérieuse. Et ils le sont justement presque sérieux jusqu'à 17h30. Ce sont vos beaux esprits du jour. Il y a Catherine Renvaux avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Walid. Bonjour. Et il y a Paul Mosseret. Bonjour Paul. Hello Walid. Il y a Raoul Reyers. Ah mais c'est Walid. Ouais mais c'est Raoul. Il y a Vincent Flibustier. Coucou. Vous avez mis la photo de la barbe sur la... Oui je l'ai mise. Ah, c'est fait. Ça ressemble à une grosse rasta. Hein. Ouais c'est un peu dégoûtant. Ah, mais en même temps ça a 500 ans. Hein. Donc voilà c'est la plus longue barbe du monde d'après Vincent Flibustier. À l'époque. À l'époque. À l'époque. À l'époque. C'est bien. Ça c'est de l'info quoi. C'était à l'époque. Vous voulez une autre info? Vous auriez pu le faire quand même. Le MES de la RTBF est fermé et ça, personne n'en parle. Ah oui, il parle de rénovation, mais est-ce qu'on ne cache pas quelque chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, personne n'en parle et ça méritait d'être souligné. Oui, parce que c'est quand même un problème. Et c'est là qu'on se dit, et les auditeurs qui nous écoutent se disent, mais on s'en fout totalement. Ben oui, effectivement, par contre, on va parler de la SNCB tout de suite, c'est parti. C'est presque sérieux. C'est la première. Un titre que nous souhaitons mettre en avant, un titre que vous allez donc forcément retitrer, on en parlait il y a quelques minutes, bien selon cette information parue dans The Morgen, les travailleurs de la SNCB qui se rendent au travail en train ne seront plus excusés pour leur retard. Eh oui, c'est fini, le temps perdu, il ne sera plus inclus dans le temps de travail, mais sera décompté de leur temps de congé. Et si cela arrive trop souvent, eh bien leurs primes seront alors touchées, ce qui n'enchante pas forcément les employés. Déjà que, on était tranquille, la rentrée s'était plutôt bien passée, ils n'avaient pas annoncé de grève. Je pense que là, c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu. Donc ils estiment qu'elles les poussent donc à se rendre au boulot en voiture, un comble donc pour le personnel de la SNCB. D'ailleurs, le site d'offre d'emploi Career Builder a mené une étude. Toutes branches confondues, un salarié sur 10 était en retard en moyenne une fois par mois. Pire, il serait 11% à l'être une fois par semaine, soit dans 20% des cas. Ah oui, c'est quand énorme, même. C'est énorme. C'est beaucoup. Ça explique beaucoup le retard. Est-ce que vous avez entendu la rumeur sur la SNCB? Jacqueline Galland revient. Non, la SNCB pourrait peut-être faire faillite. C'est pas vrai. Oui, c'est tous les ans. C'est toujours la Sabena, quoi. Hein, non. Et là, Mais taisez-vous. Mais écoutez, Yo Cornu... Ce serait Bruxelles Rail. Non, mais ça va être privatisé. Là, il n'y aura même plus de train du tout. Quoi. C'est triste, Raoul. C'est triste. Voilà. Comme en Angleterre, ils ont privatisé les chemins de fer. Il n'y a que des accidents. Retitrons cette info avant de revenir sur le morceau qui fera parler. J'en suis certain. On mettra d'ailleurs un petit clip tout à l'heure, vers 20h, sur la page Facebook de l'émission. En attendant et avant d'écouter ce morceau, bien retitrer cette information qui parle donc du retard à la SNCB et où l'excuse, en tout cas, ne risque plus de passer. Paul Mosseret. Chauffeur, si tu veux une pension, appuie sur le champignon. Ouais. Ah, il faut le chanter aussi, effectivement. On va demander à Catherine Ronvaux. Hausse inquiétante de mortalité chez les parents et grands-parents des employés de la SNCB. Pourquoi ? Mais parce que c'est, j'imagine, la seule excuse qu'on va pouvoir leur accepter. Ouais, c'est pas mal. On va demander à Raoul Reyers. Tu travailles à la SNCB, prends plutôt ton vélo, tu n'es pas un bête navetteur, toi. C'est bien, Raoul. Tour de France. C'est beau. Prenez le vélo. C'est magnifique. Ouais, on va demander des emmerdes. À Vincent Flibustier. Ben, et c'est pas une mauvaise idée. Hein. Jacqueline Galland propose aux gens de plutôt prendre l'avion. Parce que c'est vrai, Charleroi-Bruxelles, en avion, on y serait vite. Ouais. Hein. Ouais. Charleroi-Liège aussi. Ah, aussi ouais. Quelques connexions. Merci pas Vincent bon, aussi. Après le vélo, l'avion. Ben oui. Ah, on va demander à l'autre qui va nous proposer la fusée. Là. Merci. C'est Mickaël Albas. Retard de ses employés, la SNCB menace de porter plainte contre elle-même. Ah oui, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Merci Paul Mosseret. Et n'hésitez pas à faire comme nos chroniqueurs. C'est l'autre. Ah oui, c'est ouais. Mickaël Albas, c'est vrai. Merci à vous en tout cas d'être là. Et retitrez, faites comme nos chroniqueurs cette info sur la page Facebook de l'émission. En attendant et avant justement, même chose, de redécouvrir ce clip sur les réseaux sociaux, eh bien voici l'info, revisitée, retriturée avec une chanson. Imaginez un seul instant que Charles de Gaulle soit mis en examen. Cette phrase de la bouche de François Fillon avec le Charles de Gaulle en futuring, c'est tout de suite sur La Première. Oh. La Première jusqu'à 17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Largué par Rosetta, François Fillon demande en effet un procès pour Nicolas Sarkozy. À la Mostra de Venise, Nicolas Sarkozy vient en effet de le traiter de fils de pute. Et il sera aussi à suivre sur le site Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen.fr. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Alors effectivement, à la fin de 2012, j'avais estorqué de l'argent à une vieille dame. C'est parfaitement normal. Je vous ai compris. Imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen. Je vous ai compris. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? J'ai deux neurones dans ma tête. Je vous ai. J'ai un peu honte pour vous dire la vérité. Compris. Je vous ai compris. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Je vous ai compris. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? C'est une honte. Dans quel pays vivons-nous? La Première jusqu'à 17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Ouais. La chanson de campagne de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est du tube. Hein. J'ai deux neurones. Ouais, il y a tout que je ne comprends pas. Il explique quand même qu'il a roulé la vieille. Lui-même, c'est un imitateur. Non, c'est trafiqué, Raoul. C'est bien fait. Tout est trafiqué. Mais il y a tout qui dit quand même escroqué. C'est fait maison. Et qui est trafiqué? C'est fait maison. Écoutez, voilà. C'est notre artisan. Mais écoutez, voilà, un peu de magie. Un peu d'astuce d'espièglerie, c'est l'avis de Wally. En attendant, accueillons une presque star, vous le savez, c'est le principe de cette émission. Nous mettons en avant des personnes qui font parler d'elles dans la presse. Et c'est le cas de Christophe qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Walid. Vous allez bien mon cher Christophe? Très bien. Alors pourquoi parle-t-on de Christophe et pourquoi est-il avec nous au téléphone? Vous avez, vous autour de la table, il y a 1 minute 30 pour le découvrir. Vous me posez une série de questions et on s'intéresse à vous. Dans un instant, mon cher Christophe, je ne réponds à vos questions que par oui ou par non. C'est parti. Alors, est-ce que Christophe fabrique des marionnettes avec de la ficelle et du papier? Non. Parce qu'il est artisan d'une manière ou d'une autre. Il est artisan d'une manière ou d'une autre. Oui, je vous propose un indice. Il est bûcheron, c'est le rasoir du géant vert. Il est apiculteur, non. Il bossait chez Caterpillar. Non. C'est le dépeceur de Mons, Christophe. Non, c'est pas ça. C'est une tronçonneuse qu'on a entendu, oui. Il fait de la sculpture sur bois. Peut dire oui, mais vous allez devoir aller plus loin. Sur glace. Comment? Sur du bois glacé. Non, pas sur du bois glacé. De quelle manière? Les yeux bandés. Les yeux bandés. Il attache sa tronçonneuse à une chaîne qui le fait tourner autour de sa tête. Non, c'est pas ça. Avec les dents. Ça va pas, vous. Quoi, il est menuisier. Il est un peu artiste, d'une manière ou d'une autre. Il est un peu, beaucoup artiste. Est-ce que c'est ce qu'il sculpte qui est intéressant? Genre, il sculpterait Mickey? Non. Enfin, c'est intéressant ce qu'il sculpte, mais c'est pas Mickey. Mais il sculpte le bois. Il sculpte le bois. Dans le bois. Enfin, je veux dire, dans la forêt, il va dans la forêt et il sculpte là, ou bien on a sur des place. Arbres et il sculpte. Non, il sculpte bois. Pour des apprentis. Et il fait. Ouais. Non. Et il fait la famille royale. En fait, c'est vrai, vous avez raison, c'est pour les sculpteurs. On va pas tourner autour du pot. ça s'appelle meublé. Non, mais c'était juste parce que voilà, ça me plaisait de vous voir un peu patauger. Il s'appelle donc Christophe et il est sculpteur sur bois à Jeudine. Donc voilà. Et Christophe Demann, vous aimez sculpter avec des outils manuels, donc sans bruit de moteur. Donc la tronçonneuse. Donc la tronçonneuse, c'était un faux indice. Voilà. Ça, c'est un faux indice. Pour faciliter, vous dites, le dialogue avec les visiteurs quand vous sculptez en public. Oui, exactement. Voilà, c'est ce qui se fait en symposium, c'est des rencontres de sculpteurs. Et donc le public peut venir rencontrer les sculpteurs. Mais le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui travaillent à la tronçonneuse et à la disqueuse, ça fait du bruit. Mmh, ouais. Et alors moi, j'avais envie de voir si c'était possible de dégommer autant sans cet engin bruyant. Mmh. Et donc voilà, c'est un peu un défi que je me lance parfois, pas tout le temps. Parce que voilà, c'est quand même un petit peu fatigant et puis ça peut être intéressant. Mais donc vous dégommez moins quand même. Oui, c'est pas moi qui dégomme, c'est les outils. Quoi. La tronçonneuse, c'est bon, ça coupe bien droit, bien vite. Et le ciseau, des gros morceaux d'un coup. Oui. Et donc, ouais, moi j'utilise des vieilles haches. Ah oui, des colliers, des haches d'abattage, mais aussi des doloirs, des haches de charpentier, il y en a qu'on appelle épaules de mouton, il y a des haches à bûcher, il y a des haches de mineur pour boiser les mines, des petites hachettes marteaux de charpentier, etc. Et vous travaillez tous les bois? J'essaye un petit peu tous les bois, oui, je me suis fait une petite xylothèque, donc c'est un nuancier de bois, la même petite sculpture dans un maximum de bois différents, mais j'ai pas encore essayé tous les bois qui existent. Vous pouvez pas nous envoyer un truc à Raoul Reyer sans bois? William, ça pourrait être sympa qu'il nous envoie une petite sculpture en bois. Je sais que, et je vois les photos, c'est plutôt sympathique. Vous faites des cuillères, alors ce qui est intéressant avec vos cuillères, c'est qu'elles sont trouées. C'est pour ne pas avoir le jus. C'est pour ceux qui sont au régime. Quelle cuillère vous parlez? Ouais. C'est pas une cuillère, c'est un fourquet. Ah oui. C'est pour brasser la bière. C'est des cuillères géantes profilées comme ça pour avoir une forme de dérive de bateau, pour qu'elle soit toujours dans le bon sens. C'est un truc un peu expérimental. Tiens, dernière petite question. Comment est née cette passion pour la sculpture sur bois? Parce qu'il faut aimer ça, il faut aimer sculpter. C'est principalement en lisant Yakarish et les castors de Derrida. Il y a un castor qui fait une grande sculpture. Ah oui, donc c'est né de là. Ça vient de là. Je pense. Ouais, donc voilà. Tout jeune. Il y a des passions comme ça qui naissent. En tout cas, vous êtes notre presque star du jour. On mettra d'ailleurs vos œuvres et vous serez bientôt en exposition, c'est bien ça? Bah, il y a le prochain truc où je participe, c'est pour Wallonie Bienvenue. Dans la commune de Jeudine, donc les 24 et 25 septembre. Sur YouTube. Ouais, c'est ça, 24 est-ce que vous vivez de ça? 25 septembre. Est-ce que vous vivez de votre art? Bah, j'ai pas d'autres revenus, je suis toujours vivant, donc je peux dire que j'en vis, ouais. Il ne mange que du bois. Oui, c'est ça. En tout cas, merci à Jeudine. Vous étiez notre presque star du jour. On mettra toutes les infos vous concernant si nos auditeurs veulent voir votre travail sur la page Facebook de l'émission et sur le site de la première, lapremière.be. On continue l'aventure presque sérieuse avec les infos au trafic, avec notre cher Michael Elbaz qui lui s'intéresse à qui, à quoi? Aux Jeux paralympiques qui commencent demain. Cool, c'est tout de suite, c'est parti. Ah, c'est une demi-sœur seulement. Ah oui, j'avais pas remarqué. Faut dire que je l'ai vue qu'à table et je pensais qu'elle était assise. C'est presque sérieux sur la première. Bonjour, je viens pour la golf. Oui, bien sûr, il y a déjà une golf All-Star à partir de 14 990 euros. Oui, je sais, je la prends. Vous savez qu'elle dispose de jantes en alliage. 16 pouces, oui, de vitres teintées, d'une climatisation, oui, tout à fait. Ouais. Une série superbe. Et super équipée, oui, je sais, je la prends. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Voici les résultats semestriels de Belfius. 600 000 élèves bien assurés à l'école. 53 projets smart pour construire la Belgique de demain. 131 000 nouveaux clients actifs. Les résultats de Belfius, c'est bien plus que 249 millions d'euros de résultats nets réalisés au premier semestre. Ce sont aussi les maisons pour lesquelles nous avons accordé un crédit, les entreprises dans lesquelles vous travaillez ou même une nouvelle maison de soins dans votre quartier. Belfius, 95% de clients satisfaits, on se donne à 100% pour y arriver. De l'expertise, du cœur et de la passion. C'est ce qu'Intermarché vous propose durant ces 3 semaines de foire au vin. Nos experts partagent avec vous une sélection de qualité et toujours au prix le plus bas. De quoi vous faire plaisir jusqu'au 25 septembre. Ouvert dimanche et jours fériés, horaires en magasin. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. La première présente l'opening week-end de Flaget. Un week-end festif pour lancer la nouvelle saison. The Artist en ciné-concert par le Brussels Philharmonique et Ludovic Bourse. Hugues Daillet et Rudy Léonet avec leur critique en demande. Charlie Chaplin pour les jeunes fans de ciné. Et le Rock Touareg de Kélassou. Du 9 au 11 septembre à Flaget. Flaget.be avec le Vif Express et le journal Le Soir. La première présente Chacun sa place de Véronique Gallo au TTO à partir du 7 septembre. Alors, c'est l'histoire, très drôle évidemment, de deux sœurs et d'un frère qui organisent pour les 70 ans. Enfin, ne riez pas, vous n'avez encore rien vu. www.ttotheatre.be 02 510 0 510 avec Le Soir. La première. Mobile Info. À 17h23, on retrouve Pierre Collard-Bovy qui, en une minute, va devoir nous dire ce qui se passe sur la route sans le mot bande, donc, et sans le mot ralenti. C'est parti, Pierre, on vous écoute. Alors, on va essayer ça. Bon, quelques ralentissements encore dans les tunnels de la capitale, mais c'est assez habituel. Sur le ring de Bruxelles, eh bien, 16 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Billard au titre, plus 15 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour-Léonard, plus 12 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Billard. Sur le 40, Aix-la-Chapelle de Bruxelles à hauteur de Cherat, quelques ralentissements vers Bruxelles. Vous êtes légèrement ralenti ou perdez sur Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit ralenti. Ah oui, vous avez dit ralenti. Ah, j'ai pas dit ralentissement, j'ai dit ralenti. Vous n'aurez pas la bouteille de vin qu'on vous ne pouvez pas dire ralenti ni bande. Ah non, c'est des ralentissements que j'avais compris. Vous avez dit ralentissement au début. Ben voilà, je rengage. Et puis vers l'Allemagne, vous perdez 50 minutes entre Loncin et Charat pour les postes frontières. C'est le 17 Gand-Lille, file à partir de Albeek et vous perdez une quinzaine de minutes. C'est bien l'infotrafic comme ça, j'adore. On a inventé un nouveau truc, on va s'amuser, Pierre. En tout cas, on vous embrasse, restez comme vous êtes. Allez, à 17h24, on continue à être presque sérieux. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Va, m'ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthénamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthénamut, on vous simplifie la santé. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Et on n'en a pas fini encore avec le sport, et non, après un été où on a frôlé l'overdose, voici que s'ouvrent demain les Jeux Paralympiques, toujours à Rio, et même s'ils sont bien moins suivis que leurs glorieux aînés, eh bien ils reviennent aussi tous les 4 ans et ont aussi droit à une petite place au soleil, Michael Albas. AXA bouge et évolue à une vitesse folle. Demain, c'est déjà aujourd'hui dans ce monde. On ne sait plus où donner de la tête, alors ça rassure un peu de voir que certaines choses reviennent régulièrement, comme la rentrée scolaire ou la mise en examen d'un membre de la famille Balkany. Oui, cette fois, c'est le fils, hein. Il manque plus que le Saint-Esprit. Et on attend avec impatience le prochain épisode de La Petite Mairie dans la prison. Tous les 4 ans, on le sait, ce sont les Jeux Olympiques, hein, c'était cet été. Mais on oublie souvent les Jeux Paralympiques, hein, qui commence demain. Si les médias en parlent peu, nul doute que la compétition fera rage. Les moins valides ont aussi leur heure de gloire, et avec tous ces unijambistes, la cérémonie d'ouverture sera un festival de Cannes. Politiquement, ça y est, hein, la situation semble se normaliser du côté du Brésil. La présidente, Madame Corruption Passive, a été remplacée par son bras droit, Monsieur Soupçonné de Corruption Passive, qui, selon lui-même, va remettre le Brésil, pays où ça sent la poudre, sur les bons rails. Le trafic de drogue devrait donc rapidement devenir la principale source de revenus du pays, loin devant les chantiers illégaux ou, comme on les appelle là-bas, les travelots inutiles. Pour le spectacle, on regrettera tout de même l'absence d'Oscar Pistorius, hein, qui, malgré ses progrès en comédie, ne fera pas partie des membres de l'aventure, lui à qui il en manque déjà deux à la base. Le franc-tireur a fait l'objet d'une sanction carabinée, et pourtant le juge lui avait dit, hein, en Afrique du Sud, votre libération de Mandela. Mais de Mandela, on demande à voir quand même. Hein. Et puis, même en cas de miracle, ça restera Nelson Montfort. Remarquez, faut le surveiller quand même en prison, Pistorius, hein, parce que c'est quand même le seul taulard qui peut prendre les jambes à son cou au sens propre du terme. Tant qu'on est dans le sport, même si ça n'a rien à voir, vous avez vu qu'on va avoir un Belge en F1 l'an prochain, hein, Stoffel Van Dorn. Et oui, Stoffel, c'est son prénom. C'est un prénom flamand, donc on échappe à toute logique. Hein, non, mais c'est vrai, quoi. Piet, Jan, Gert, ils peuvent pas s'appeler Walid comme tout le monde ici en Arabie Saoudite, Monsieur Quatremer. Non, si je vous parle de tous ces sports, c'est surtout parce que comme maintenant que les Diables Rouges sont redevenus nuls, on cherche de nouveaux nouveaux bons exemples. Et pourquoi ne pas sacrifier le foot sur l'autel Formule 1? Non, la Formule 1 est un sport populaire qui a pris un virage inattendu alors qu'on chicane pour quelques millions d'amendes impayées ici, puisqu'elle a été vendue pour plus de 8 milliards de dollars. Ce qui signifie que nous verrons sans doute moins Bernie Ecclestone, hein, sosie officiel de Catherine Lara. Cet homme charmant pour qui Hitler était, je cite, un homme efficace et la démocratie un concept qui n'a jamais fait grand bien. Bref, une grande perte pour l'industrie du fascisme. Une sportive paralympique belge disait récemment penser à l'euthanasie tant sa souffrance était importante, alors qu'Ecclestone, lui, pense souvent à l'éthanasie. Et le plus triste, c'est que ce dernier aura sans doute plus d'articles dans la presse que les Jeux paralympiques, alors qu'on peut tous s'identifier. Hein. Le sportif du dimanche pourra constater qu'à une jambe près, il court aussi vite qu'un athlète de haut niveau, tandis que le téléspectateur dans son fauteuil peut s'identifier à l'athlète qui, lui non plus, ne décolle pas de son siège et se déculpabiliser de ne pas être allé travailler, sachant que de toute façon, son patron finira bien par tout délocaliser là où on porte un brassard en grève quand on en a marre de se faire exploiter. En tout cas, 24 heures de l'événement, on est prêt. Hein, on a déjà tout prévu en cas de médaille. C'est Catherine Fonck qui sera à l'aéroport pour le retour des athlètes. Ben oui, la ministre de la blagounette qui garnira nos gazettes de « Nos athlètes n'ont pas été des manchots » ou « ils étaient bien en jambes dans leur chaise roulante hein, », cassant un peu la philosophie propre à Pierre de Coubertin qui a déclaré à propos des Jeux paralympiques « Ben rien, puisqu'il est mort bien des années avant leur création ». Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans un certain anonymat, avec ou sans télé, avec ou sans millions, pour ces athlètes-là, l'important, c'est vraiment de participer. Merci Mickaël Albas. Merci. Le presque mot de la fin, il sera dit par tout le monde. Attention, vous allez tous dire au revoir à 3, 2, 1... Au revoir. Nous serons de retour demain, même endroit, même heure, pour un nouveau numéro de C'est Presque Sérieux, où nous revisiterons l'actualité. Merci Catherine Ronvaux, merci Paul Mosseret, merci Mickaël Albas, merci Vincent Flibussier, merci Raoul Réa. Merci Walid. Et merci à vous d'être aussi nombreux tous les jours entre 16h et 17h30 sur la première. Restez presque sérieux, soir première tout de suite. Et nous, demain, 16h, même endroit, même heure, pour un nouveau numéro de C'est Presque Sérieux. À demain. La première présente, le deuxième Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Tillemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Pour chaque idée de business, ING a une idée de financement. Créer une coque pour smartphone avec un baffle intégré. Un baffle intégré qui transforme le son en énergie pour recharger le smartphone. Vous avez des idées pour lancer votre business? Découvrez nos solutions de financement innovantes sur ing.be/financement. Madame a fait son choix.